Bâtir pierre à pierre les forteresses de demain, ou offrir la lumière et les caresses entre tes mains. C'est dans ce temps de choix que tu te reconnaîtras. Tu pourras tout reconstruire malgré l'ennui de détruire. Pour renverser le monde, il te suffit.